Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. À l'intérieur du poste d'écoute cette semaine, le nouvel album de la formation comique néo-zélandaise Flight of the Conchords, Tokyo Police Club, un de nos anciens postes d'or, nous revient avec Elephant Shell. La formation américaine Be Your Own Pet est de retour avec Get Awkward. Et François-Olivier Marchand vient nous parler de Machine 15, le nouveau Millen Collin. Bienvenue dans le poste d'écoute, je m'appelle Mathieu Plante, c'est la session d'été qui commence aujourd'hui, en tout cas dans le poste d'écoute, et on va avoir un gros 20 minutes de plus pendant l'été. Donc, savourez-les à fond, ces 20 minutes de plus. Et on commence l'émission cette semaine avec JNEB qui nous envoie une farce déjantée déclinée sous forme de livres, de films et de chansons. Ça s'appelle Idéos et débats. On va écouter le début juste pour voir de quoi ça a l'air. Alors, le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous à C'est Fou 89 FM. Yeah. spokojność, sporość, ta bebida nie ma siada. Pero ocem po espokojność, sporość, ta bebida nie ma siada. Era sorprendente. Espejismo de este paciente. Si no más ven un milagro de realidad. Nadie sabe la religión del encanto. Adivina si no crees, no soy creyente. Es posible convertirme a lo que quieres. Sabes encantarme. Reiterare durante toda la noche. Era sorprendente. Un ángel de la guardia apasionante. Pero también un maestro de anatomía. Va a permitirme mejorar mi vocabulario. Andar su lengua. No soy creyente. Es posible convertirme a lo que quieres. Sabes encantarme. Venerare durante toda la noche. Pero fue la perdida de sus llaves del coche. JLEB avec les deux premières pièces de l'album Ideo et des bas, quelque chose du genre. Ça s'appelle Ideo et bas, ou encore des hauts et des bas. Donc, JNEB qui vient de réaliser en autoproduction un projet original qui consiste en un roman, un film, un album en interaction, chaque média étant complémentaire des autres, mais pouvant être apprécié de manière indépendante. Le projet prône le port du préservatif et est disponible gratuitement en français, en anglais et en espagnol sur le jneb.fr. Et je cite, « Je vous ai joint l'album sur support gravé car je n'ai pas souhaité faire de commerce. J'espère que d'aventure, vous trouverez ma créativité et mon concept intéressant et que le cas échéant, vous souhaiterez diffuser un ou plusieurs titres et pourquoi pas faire une entrevue téléphonique. Merci d'avance de votre réponse. Bonne journée, JNEB. » Donc, JNEB.fr, c'est le site web où aller. C'est une farce déjantée déclinée sous forme de livres, de films et de chansons. C'est en téléchargement libre sur le site internet. En tout cas, c'était JNEB. On passe à quelqu'un qu'on a bien aimé il y a quelques mois ici à C'est Fou avec une pièce qui s'appelait Good Morning sur le palmarès anglophone. C'est Shane Phillip. Et là, il nous revient avec un album qui s'appelle Earth Shake. Voici tout de suite la pièce Wheat Something qui est l'intro de la pièce See You in the Sun. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Quelle belle mission au 89.1. rising and rising and rising, then it falls just like us. And the wind is changing, nothing stays the same except us. They gotta make each other better, and that's what this life's for. I wanna see you in the sun. Avec la pièce See You in the Sun. Et moi, évidemment, on me dit vraiment rien avant l'émission, donc j'ai découvert en cherchant que l'album date de 2006. Mais on écoute quand même une deuxième pièce, une troisième en fait, parce que j'aime beaucoup ça. On va aller écouter Mother Earth. Et pour vos renseignements personnels, le plus récent album de Shane Phillips, c'est In the Moment, qui est sorti en janvier dernier. Donc voici tout de suite Mother Earth dans le poste d'écoute au 89.1 FM Radio Didgeridoo. Do the time. Standing up for what you believe, and it doesn't matter what the price. This is for all the peace lovers who are peacing out on this great land. Peacefully being passive while the aggressors are getting out of hand. And I just wanna thank you for your passion and conviction. I just wanna thank you for your never gonna give it up attitude. Hey, I just wanna thank you for your passion and conviction. Every reaction we take and we make's gonna change the world. So we're thinking it's just another link in the chain of events gonna change our world. All this singing is just a way of ringing the bell that'll bring in all the people that'll change the world. Like you, you. Persistence, insistence against the resistance. Persistence, insistence against the resistance. Persistence, insistence against the resistance. De Shane Phillip, c'est son album Hurt Shake qui date de 2006. Oui, ce n'est pas une nouveauté, mais que voulez-vous? C'était dans ma pile. Donc, Shane Phillip, on a entendu Mother Earth juste avant, c'était See You in the Sun, et puis on a commencé avec Weech Something. Très très bon artiste, ce Shane Phillip qui vient de Vancouver. Il fait du folk roots afrobeat. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/Shane Phillip ou encore le shanephillip.com. Philip, c'est P-H-I-L-I-P, donc une seule lettre de chaque. Ou passez par le tout nouveau site du poste d'écoute www.unechance.com. Regardez-moi ce rouge, regardez-moi ce décor tendance d'été, regardez-moi ce beau nom, CMAT Radio Mathieu Plante. C'est quelque chose. www.unechance.com, c'est le site du poste d'écoute. Je m'amuse bien sur ce site. Il y a la balade de diffusion là-dessus et les liens vers tous les artistes qu'on mentionne et qu'on vous fait entendre dans le poste d'écoute. On continue avec un album très, très attendu, je crois, par certaines personnes. Moi, en tout cas, quand j'ai vu le nom, je me suis dit « Wow, ça va être bon, ça, je le sais, parce que ça a déjà été un poste d'or ici au poste d'écoute. » Ça veut dire un album qu'on a beaucoup aimé dans l'émission dans laquelle on l'a fait jouer. Donc, c'est le nouvel album de Tokyo Police Club qui s'appelle « Elephant Shell ». Et à l'instant même, voici la pièce « Centennial ». On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. C'est le poste d'écoute au 89. This is skin. You can wrap all of your arms and legs in an address that you know. An envelope unfolds, a writing to catch up. We were small when we last met, but the letters are unread. She's heard it on cassette. Taught to read and write at such an early age. Passengers still, she's got books on tape. You never heard of fiction. You never heard of fact. this out for you. I'm only wishing, wow. Though you won't believe me, this coming Thursday evening is all sunshine. Through. une pièce du nouvel album de Elf and Shell. Leur premier complet s'appelle Tokyo Police Club. Juste avant, c'est la pièce Graves. Avant ça, c'était In a Cave. Et on a commencé avec Centennial. Donc, Tokyo Police Club, assez intéressant comme belle. Moi, j'aime beaucoup leur son. C'est un groupe de rock indie canadien qui vient d'Ontario. C'est le chanteur et bassiste Dave Monks, le guitariste Josh Hook, le claviériste Graham Wright et le batteur Greg Alsop. Ils sont formés en 2005 dans un sous-sol avec les quatre défait leur précédent groupe, un groupe dans lequel ils jouaient tous. Et donc, le band a commencé à recevoir un petit peu d'attention. Ils ont fait quelques spectacles dans le coin de Toronto. Il y a comme eu un buzz autour de ça à Montréal et ailleurs. Donc, ils ont joué au Pop Montréal, Festival Pop Montréal. Et voilà, donc, ils ont décollé. Leur premier EP était Lesson in Crime en 2006. Il y a eu aussi Smith qui est arrivé l'année suivante. Et je crois que c'était Smith qui a été le poste d'or au poste d'écoute. C'était notre album préféré la semaine où on l'a reçu. Donc, leur premier EP, c'est Elephant Shell. Ça sort, c'est sorti le 22 avril dernier. Si vous voulez plus d'informations sur Tokyo Police Club, allez voir le myspace.com/Tokyo Police Club ou encore leur site officiel au tokyopoliceclub.com. Il y a beaucoup de spectacles sur leur MySpace, mais pas de spectacles au Québec, en tout cas pas ce que j'ai vu. J'ai entendu quelques rumeurs de quelqu'un dans ma vie autour de moi qui me disait qu'il y avait lu un article sur Tokyo Police Club. L'article disait que c'était un band préfabriqué. Je suis pas sûr parce que là, ça, selon les biographies que j'ai lues sur internet et quelques articles dans les magazines, ça a l'air d'être un vrai band, mais moi je crois que c'est peut-être Tokyo Hotel qui est un band pré-manufacturé. Faudrait se renseigner là-dessus. Si vous avez des informations, si vous êtes au courant, si vous avez lu le même article que mon ami qui dit que Tokyo Police Club est un boys band fabriqué de toutes pièces, téléphonez-moi en studio le vendredi matin au 819-376-5183. 819-376-5183. C'est aussi le numéro à appeler si jamais vous voulez que je coupe quelque chose. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ça va très bien. Très bonne musique. En tout cas, surtout comparé à la semaine dernière au début de l'émission, il me semble que c'était pas fameux. Donc, je suis très, très heureux. Tokyo Police Club, leur album s'appelle Elephant Shell. On passe à un autre groupe que je sais que je vais aimer, c'est Be Your Own Pet. On avait reçu quelques pièces d'eux il y a quelques temps. En tout cas, que moi j'avais beaucoup aimé. Je sais pas s'il y avait d'autres CD, mais bon. Celui-là s'appelle Get Awkward. Et à l'instant même, on va l'entendre, une pièce qui s'appelle Super Soaked au 89.fm. Yeah. Once again. ou Be Your Own Pet qu'on vient d'entendre avec la pièce Heart Throb. Juste avant, c'était Twisted Nerve, juste avant, avant ça. Qu'est-ce que je raconte? The Kelly Affair. On a commencé avec la pièce Super Soaked de leur nouvel album Get Awkward. Be Your Own Pet, qui est un groupe de punk rock de 4 personnes. Ils viennent de Nashville au Tennessee. Tous les membres de Be Your Own Pet participent à d'autres projets. Jonas Stein et John Etherly qui jouent ensemble dans un band qui s'appelle Turbo Fruits avec leur ami Max Peebles. Leur premier album est sorti en 2007. Et Nathan Vasquez joue dans un band qui s'appelle Deluxin. Et Jemina Pearl a aussi quelques projets. Elle n'est plus membre de Cheap Time, par contre. Et puis, les anciens membres du groupe Jake et Jamin jouent dans le groupe Jeff. Voilà. C'est leur deuxième album, Be Your Own Pet, qui est sorti en 2006. Et celui-là, Get Awkward, qui est sorti en mars 2008. On vient tout juste de le recevoir ici, assez fou. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, allez voir le beyourownpet.net ou encore le myspace.com/beyourownpetmusic. Là-dessus, ben, vous allez apprendre les dates de leur futur spectacle et puis entendre quelques pièces de leur album Get Awkward. Voilà pour Be Your Own Pet. On continue avec une formation alternative qui s'appelle James. Leur site web, wearejames.com. Leur album s'appelle Emma. Hey maman! On commence avec la pièce Bubbles. Ça se passe maintenant, à l'instant même, dans vos oreilles. À C'est Fou 89.1 FM, partout en Mauricie et partout dans le monde, sur Internet, au cfou.ca. D'ailleurs, allez voir sur Internet le unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion en MP3. Ah ouais! flowers have fallen. So much dust in the air. It affected your vision. Couldn't see yourself clear. From the fall came such choices, even worse than the fall. There's this chain of consequences within, without. Action, cause and reaction never follows to plan. Black swans on your picnic table, knocking over the jam. Please don't preach me forgiveness. You're hardwired for revenge. War is just about business. With me, without. Live on within us. Keep your fingers crossed. We were choking on the smoke and the dust and the lives that were lost. Scratch the surface of liberals. There's a beast underneath. Others hide in their jackals within. Without. Hey Ma, the boys in body bags coming home in pieces. Hey Ma, the boys in body bags coming home in La formation James avec une pièce qui se nomme Emma, la pièce titre de leur album, c'était précédé de Bubbles, ici dans le poste d'écoute. Je vous donnerai bien des informations, mais je n'ai pas de feuille et je ne trouve pas le MySpace, le site web ne marche pas. WeAreJames.com si ça vous intéresse quand même, le lien va être sur lunechance.com si vous voulez vous renseigner un petit peu plus tard. L'album de James qui s'appelle Emma. C'est déjà la fin de la première heure du poste d'écoute au 89.1 FM. Dans la deuxième heure, François-Olivier Marchand va être avec nous pour parler de Millen Collin et leur nouvel album Machine 15. Bonjour François. Bonjour. Tu vas toujours bien toi? Très bien. Et toi Mathieu? Ça va toujours fantastiquement bien. Bon, parle-moi de ça. On te retrouve dans à peine quelques minutes pour parler de Millen Collin. Parfait. Hein, t'aimes ça? Ah oui. Belle présentation. C'est parfait Mathieu. Comme à la normale, toujours excellent. Reste avec nous dans la nouvelle formule plus 20 minutes de contenu. Hein? On rajoute 20 minutes de contenu à l'émission pendant l'été. C'est-tu pas pire, ça? C'est fantastique. On aime ça. 89 FM, c'est fou. Deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va parler à François-Olivier Marchand. Mais avant de faire ça, faut vous parler des nouvelles heures de diffusion du poste d'écoute. C'est très important à retenir. On est toujours en direct pour l'été, les vendredis à 10h jusqu'à 13h. On est aussi en rappel les samedis à 13h et les lundis soir. Imaginez, on est le soir à 17h, donc dans votre radio 89.1 FM. François-Olivier Marchand est en studio avec moi, mon collègue ici assez fou, pour nous parler du nouvel album de Melancholin. Incroyable album. Je t'expliquerai un peu plus tard, dans le fond, le style, parce que ça a changé un peu, OK? Machine 15, le nom du CD. Pourquoi donc? Pourquoi Machine 15? Oui. Dis-moi pourquoi. Mais parce que j'imagine que c'est comme le WD-40, ils ont dû l'essayer 15 fois, puis c'était au 15e essai que l'album était bon. Non. Ça fait 15 ans que ça existe, Melancholin. Ah! Donc, ils ont appelé ça Machine 15. Mais pourquoi Machine, d'abord? Parce que ça, sont des machines. Ouais, vraiment. Okay. Dans mon livre à moi. Dans ton livre à toi. OK. Melancholin, c'est vraiment une machine qu'on peut pas passer à côté, dans le fond. L'album est sorti en Suède le 17 avril. Et ça, c'est toujours bon à savoir à quelle date les albums sortent en Suède. Ouais, effectivement. Ouais. Et puis, Canada, États-Unis, 6 mai. Ah. Donc, pas encore sorti, dans le fond, si on écoute le vendredi. Ouais. Mais ça s'en vient. Écoute, je vais aller l'acheter. C'est pas mal garanti. Qui sort sur l'étiquette Epitaph aussi. Donc, on retrouve combien de pièces, tu penses? Combien de pièces? 15, je te gâche. Arrête-moi ça. On peut rien te cacher. Hey. Donc, je m'avoue que je m'attendais pas vraiment à ce style-là de Melancholin. Mais c'est sûr que Nicolas Starcevich, qui a dans le fond sorti deux albums solo, qui étaient plus acoustiques, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Surtout après leur CD, dans le fond, auparavant, Kingwood, qui était plus ou moins... qui était bon, soit dit en passant, mais pas exceptionnel. Donc là, je trouve qu'ils ont regagné un peu de leur prestige avec Machine 15, qui est d'accord excellent. Dans le fond, j'ai choisi trois pièces aussi qui, à mon avis, dans le fond, sont les meilleures de l'album parce que il y a quelques longueurs. Là, si on passe, dans le fond, de la troisième à la septième piste, c'est un peu long. Mais sinon là, c'est vraiment là, à tous les fans là, tout le monde qui ont écouté ça quand ils étaient plus jeunes un peu là, ça vaut vraiment la peine dans le fond de retomber avec un groupe qu'on peut pas se tromper vraiment. On écoute la deuxième et on en parle encore un petit peu tantôt. Parfait. Done is done. C'est fait. We'll be right back. Lynn Carlin. Wow. Avec la pièce, tu sais, Done and Done. Ouais. Ouais. Oh, malade. Moi, en tout cas, c'est vraiment une de mes pièces favorites de l'album. Il y a aussi, j'ai choisi Brand New Game, que dans le fond, cette pièce-là, on pouvait la retrouver sur leur site internet avant que l'album soit disponible. Okay. Que j'ai écouté dans le fond à multiples reprises. Parce que je peux pas te cacher, Mathieu, j'ai Millen Carlin tatoué sur le cœur. Ah oui? Ouais. T'es de même, toi. Moi, je suis comme ça. T'as ça dans le sang. C'est, je suis venu avec ça. Ben, okay. Eh, ben c'est incroyable. T'sais. Mais écoute, c'est pas leur meilleur CD. Moi, j'ai bien aimé Penny Bridge Pioneer. Puis après ça, Home From Home, qui est après moi mes deux favoris. Ça date de là, quand même longtemps, c'est ça? Oui, j'ai pas les dates exactes ouais. Sous moi. Je pense que c'est au moins. Et 2001-2002. Okay. Donc, est-ce que ça faisait longtemps qu'il avait pas sorti d'album? Hein? Kingwood avait sorti en 2005, si je me trompe okay. pas. Bon. Ou 2006. Mais en tout cas, je l'attendais parce que Kingwood était très bon, mais. Avec beaucoup de pièces aussi qui tombent plus à plat, si on veut. Okay. Sont-ils plus mélancoliques? Un petit peu. C'est de où ça vient, Millen Carlin? C'est ça? C'est une passe de... Une passe de skate? Okay. Melancholy. Ah, qui, dans le fond, eux autres, c'est ça. Puis en même temps, ils se sont bâtis aussi un concours de skate avec leur propre skatepark à Örebro. Excusez-moi la prononciation, là. Ça se passe en Suède. Dans le fond, c'est leur comme hometown. Hometown! Leur ville natale, donc ils se sont partis ça, donnent des prix. Tu sais, ils s'impliquent quand même, là, dans le fond, pour les jeunes, c'est leur. De quoi faire. Bon, c'est beau ça. On s'en va entendre Brand New Game, la neuvième pièce de l'album. Ouais. Puis après ça, on va entendre une autre pièce, la huitième. Who's Laughing Now? Qui c'est qui rit maintenant? C'est moi. De moi. A story of his life about a fork and knife. He said when he was 22, he was mostly feeling blue. I wonder what he's up to now, if he's changed somehow. Did he ever find his way to the greener side? Fire! incroyable. C'est incroyable. Ça. Très, incroyable. Trois très bonnes pièces. Oui. De Mélan Carlin qui se retrouve dans le fond sur le CD Machine 15 qui sera en vente le 6 mai prochain. On a entendu les pièces Who's Laughing Now, hein, wow, qui vient tout juste de jouer. Avant ça, c'était Brand New Game et on a commencé avec la pièce Done is Done. Done is Done. Ouais, Mélan Carlin, le nouvel album Machine 15. Merci beaucoup, François-Olivier Marchand. Procurez-vous-le. Procurez-vous-le. Combien d'étoiles tu donnes? 4. 4 sur combien? 4. Ben, écoute, c'est, ouais, 4 sur 5. Mais c'est sûr que je suis un adepte de Mélan aussi, là. T'es mais, biaisé, tu l'as tatoué ses fesses, tu disais. Sur le cœur. Ouais, les fesses, t'es garde pour d'autres affaires. Ben là, écoute, c'est ton nom qui est sur mes fesses, mon ami. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu? 2 secondes. Okay. 30 secondes. Ok, parfait. Okay. Bon. On va écouter Flight of the Conchords. Ben, c'est ça, c'est parce que cette semaine, okay, ben, je t'explique, mise en scène, reconstitution, pareil comme c'était dans la vraie vie, ok? fallait être là, mais quand même. J'arrive dans le bureau du directeur de la programmation, directeur musical, ok? Qui est Alain Lefebvre. Alain Lefebvre, bon gars, il y a une pile de CD sur son bureau à chaque semaine. Tu sais, quand on dit qu'on reçoit des caisses de CD, non? Ouais. Ben, c'est pas des caisses, mais c'est des piles, mais non. C'est bon. C'est vrai. Là, je regarde dedans, puis je vois. Tu sais, du coin de l'œil, Flight of the Conchords. Je me pitch dessus comme une espèce de malade. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait, là? Je savais pas qu'on allait recevoir ça du tout, tu sais. Dans le fond, Flight of the Conchords, c'est un groupe duo. C'est ce que tu m'as expliqué aussi, là. Ouais, c'est ça. Parce ben que ouais, je comprenais pas ton enthousiasme pour ce groupe-là, là. Je te comprends. Qui me semblait un peu anodin. Exactement, c'est très, très anodin. Dans le fond, c'est un groupe duo humoristique néo-zélandais, OK? Donc, okay, eux, ils font du folk, OK? Sur leur plateau, ils font des spectacles, tu sais. Bon, sur le stage, bon, ils jouent de la musique, ils font des petits sketchs, des affaires drôles, OK? OK. À la base, c'est des humoristes, OK? C'est pas des musiciens, OK? Mais ils font de la musique. OK. Ils sont bons pareil, tu sais. Ils sont très très bons. Ils font ça, ils font rire les gens depuis des années, OK? Puis là, ben, ils ont eu une émission de radio qui a pogné au bout. Après ça, ils ont eu une émission de télé sur HBO. La saison s'est terminée il y a quelques mois de ça à peine. Ça a été un succès fou, là. C'est quasiment une série culte maintenant sur Internet. Les gens se partagent les épisodes. Sur YouTube, il y a tous leurs vidéoclips. Comment ça s'appelait? Flight of the Conchords, toujours. OK, OK, ils gardent toujours le même nom. Toujours le même nom. OK, parfait. Ils ont eu un documentaire sur eux aussi, là, grosse affaire. Donc, dans le fond, dans leur émission de télé, ce que c'était une sitcom, là, tout ce qui est plus normal, très, très drôle, avec, à l'intérieur de ça, des vidéoclips. Quand tu regardes ça pour la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi l'affaire? Ils commencent à chanter soudainement, comme dans une comédie musicale. Mais c'est très, très bien fait. Les vidéoclips sont bien montés. Le style musical change. Il peut y avoir du rap, il peut y avoir de la musique française. Et justement, on va entendre du rap et de la musique française dans le cas que je vais vous faire entendre. Il y a des personnages là-dedans, tous plus drôles les uns que les autres. Il y a le gérant, puis il y a la fille qui est super groupie, tout ça. Vraiment très drôle, ça jouait sur HBO. Et en français, ça a joué à Super Écran au Québec il y a quelques mois. Ça a duré juste une fois, une seule représentation par semaine, donc il fallait vraiment pas le rater. Est-ce que tu les as ratés? Je les ai tous ratés l'un après l'autre parce que j'ai pas Super Écran. J'ai vu deux épisodes, ils passaient deux épisodes de suite les mercredis soirs. Enfin bon, j'espère qu'ils vont faire un marathon, qu'ils vont tous les passer ou qu'ils vont être sur la vidéo sur demande à Super Écran. On peut télécharger les épisodes illégalement sur Internet, dont un épisode en français. Oh! Ah ah ah, le premier. Très très bon. Autre que ça, ils ont été renouvelés pour une deuxième saison qui va jouer à l'automne ou à l'hiver prochain, je crois. Petite question comme ça, est-ce qu'il y a des rires en canne? Non, justement, c'est une des très très bonnes choses. Je pense pas que j'aimerais ça autant s'il y avait des rires en canne. Non, c'est ça, moi non plus. Fait que c'est très cinéma vérité, tu sais. C'est vraiment comme la presque télé-réalité de leur vie de musiciens pauvres qui savent pas trop ce qu'ils font, qui se prennent pour des vraies vedettes, puis dans le fond, ils sont pas si bons que ça. C'est un peu ça la joke. comme je disais, ça va revenir pour une deuxième saison. Et ça, dans le fond, ils ont sorti un EP il y a quelques mois qui s'appelait Distant Future. Il y avait quelques pièces live là-dessus. C'était pas génial, c'était live, bien enregistré. C'est bon, c'est live. Bon. Non, j'adore ça, live. Ouais. Même qu'ils ont des pièces live qui n'ont pas été faites encore dans l'émission de télé puis qu'ils auraient peut-être dû mettre sur leur album ici. En tout cas. Donc, le EP, je l'avais aimé. Je trouvais que la production était très différente. Les pièces ne ressemblaient pas à l'émission de télé. C'est encore plus différent avec leur album complet, Flight of the Conchords. Il y a des couplets rajoutés. T'sais, à la télé, il faut que tu fasses ça plus vite. Ils avaient comme condensé leurs pièces. En live, c'est d'habitude plus long. Ici, on retrouve les versions longues, mais enregistrées en studio. OK. Il y a plusieurs pièces que moi, j'ai beaucoup aimées qui ne sont pas sur l'album. L'album est quand même assez court pour un CD. Il aurait pu en mettre beaucoup plus que ça dessus. On retrouve des classiques, mais aussi des pièces qui sont un petit peu moins des classiques. Bonne. Leggy Blonde, est-ce que c'était vraiment nécessaire de la mettre sur l'album? Je suis pas certain. Mais sinon, la plupart sont des classiques de l'émission. On va commencer avec la pièce sûrement qui les a fait connaître le plus sur Internet, selon moi. C'est la pièce Fou de Fafa. C'est une pièce en français. Fou de Fafa. C'est en français. Oh. C'est une leçon de français de la part de Flight of the Conchords. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM dans vos oreilles. In your ear.

like my nana's tea party. Hey, ho. I'm the mother flippin'. I'm the mother flippin'. I'm the mother flippin'. Who's the mother flippin'? I'm the mother flippin'. Hip-Hopopotamus versus Rhinoceros, featuring Rhinoceros and the Hip-Hopopotamus. Flight of Concords. Il faut vraiment voir le vidéoclip, surtout la passe où il parle de sa grand-mère puis qu'on voit le gars avec sa grand-mère en train de boire une tasse de thé. Ah ouais? Parce qu'il n'y a pas de tea party comme My Nana's Tea Party. Vraiment très, très drôle. Les paroles sont extrêmement hilarantes du début à la fin. Hey, mais c'est bon, le beat est entraînant. Mm-hmm. Ouais. Très différent de l'émission de télé, par exemple, si tu vois le vidéoclip. Okay. On va l'entendre une autre pièce qui s'appelle Inner City Pressure. C'est la deuxième de l'album. Et là, je ne fais pas jouer les trois premières parce que ça me tente. Là. Ben, non, en fait, je les fais jouer parce que ça me tente et non pas parce que c'est les trois premières du disque, comme dans le poste d'écoute d'habitude. On va entendre ça et ensuite, on va se garder avec une dernière pièce, mais on va devoir arrêter à un moment donné d'en passer. T'sais. Ouais, tu vas passer le CD sinon. Ouais, c'est ça. Je voudrais bien, hein. Mais à un moment donné, one minute. On se calme. On se calme. Calme-toi, toi. Aussi. Tu commences à t'énerver pas mal, je trouve, à la radio. Ben, je sais. Tiens. Attention, t'es A, là. Oh. Oh. A, E. Y. Je te bats. Je te bats avec les Y. Z. Je te bats. Z, c'est même pas une voyelle. Inner city life, inner city pressure. The concrete world is starting to get you. The city is alive, the city is expanding. Living in the city can be demanding. You've pawned everything, everything you own. Your toothbrush jar and a camera phone. You don't know where you're going, you cross the street. You don't know why you did, you walk back across the street. Standing in the sitting room, totally skint. And your favorite jersey is covered in lint. You want to sit down, but you've sold your chair. So you just stand there. You just stand there. You just stand there. In a city pressure. Counting coins on the counter of the 7-Eleven. From a quarter past six till a quarter to seven. The manager, Bevan, starts to abuse me. Hey man, I just want some muesli. Neon signs, hidden messages. Questions, answers, fetishes. You know you're not in high finance. Considering secondhand underpants. Check your mind, how'd it get so bad? What happened to those other underpants you had? Look in your pockets, haven't found a cent yet. Lennon's on your balls, have you paid your rent yet? In a city. Inner city pressure. Inner city pressure. Prostitute, just to pay for your lessons, you're learning the flute. Ladies wouldn't pay you very much for this. Looks like you'll never be a concert flautist. You don't measure up to the expectation. When you're unemployed, there's no vacation. No one cares, no one sympathizes. You just stay home and play synthesizers. Pièce de Flight of the Conchords. Après ça, j'arrête de vous en parler dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Drums. Come on now! I see you. give the sign. I wanna boom like it's never been done. Bust the moves that the click and boom of a gun. In the marquee, the bass is booming. Someone smoking boom at the back of the room. And it's a first day of boom and the flowers are blooming. Drum boom, bass and the party are booming. Boom, ba boom, like a rocket taking off to the moon. Boom, boom, like a bride and boom. See you shaking at boom, boom. See you looking at my boom, boom. See you want some boom, boom. It's clear as boom, tam, boom, boom. Let me buy you a boom, boom. You order a fancy boom. You like boom, and I like boom. Enough small boom, let's boom the boom. Fast forward, it's Elekta. Now we're rolling on a boom, boom. Right into a my private room. And we know what's happening, we bought a suit. We're gonna boom, boom, boom, till the break of boom. Who's a boom king? Who? I'm the boom king. What? Who's the boom king? Tell me now. I'm the boom king. He's the boom king. Chaka chaka chaka. Chaka chaka chaka. Chaka chaka chaka. Chaka chaka chaka. My phone is beeping, his beeboom's boom. He's back from 10 years doom and gloom. And he said he had his boom chopped off in the boom. But the crazy boom still loves the boom. And zip the boom and my lens goes zoom. My beeboom. Boom, boom. We both get freaky, then the boom gets squeaky. And we boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Who's the boom king? Who? I'm the boom king. What? Who's the boom king? Ha, ha, ha. I'm the boom king. Press the boom king. La formation néo-zélandaise Flight of the Conchords, qui utilise très bien des mots pour remplacer d'autres dans cette pièce-là. Ils utilisent boom à toutes les sauces. Dans une autre pièce, Mother Hackers, ils utilisent bien le bip par-dessus des mots pour faire penser à d'autres choses. C'est très, très intelligent. De la part de Flight of the Conchords, juste avant la pièce boom, c'était Inner City Pressure. Avant ça, c'était Hip-Hop-Opotamus versus Rhinoceros. On a commencé avec Fudu Fafa. C'est un groupe d'humoristes néo-zélandais. Il faut absolument aller voir les vidéoclips qui accompagnent chacune de ces pièces. C'est pour ça que je les ai choisis, parce que c'est mes clips préférés. Allez sur YouTube, tapez Flight of the Conchords. Vous allez certainement rire toute la journée et triper bien comme il faut sur Flight of the Conchords, mon groupe, un de mes groupes préférés, un de mes groupes fétiches. Flight of the Conchords, leur nouvel album trame sonore de la première saison de leur série télé sur HBO et en magasin, je crois, maintenant. On passe à la formation Long Story. C'est une formation canadienne. Leur album est éponyme et tout de suite, on s'en va entendre la pièce Rich and the Tainted. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Ah, c'est fou, 89.5. Dans vos oreilles. I'd like to welcome you all here today to this episode of Lifestyles and the Rich and the Famous. I'll be your host, Robin Leach. Today we're going to be investigating the lives of these boys who have broke loose out of Blackstock. Morris and Malcolm, Gibson and Carter have taken the musical world by storm. And from here, it's shits and giggles all the way to the end. You know everybody wanna be ya. And you know everybody wanna be ya. And you know everybody wanna be a star. Star. Everybody wanna be a star. And don't worry, main patient with the incompetent. Conquering the continent, the new fanatic's intent. It's hard to cement, but can't be broken a bit. By any event, the time I spent sitting on the fence, for instance, made no sense. Hence, I portrayed defensiveness. Really made me feel defenseless. Live life like a sentence, now my will to live is relentless. Everybody wanna be a star for fame. Show your tools, all those goals are aimless. Lifestyles of the rich and the tainted. Everybody wanna be a star, be famous. Show your talents, all those goals are aimless. Lifestyles of the rich and the tainted. It's what you don't see. They won't be there. Oh, and if they can't hear me clearly, it's a no one near me. Then a little very, very up on graves and cemeteries. I'm enslaved to the waste. I seem to amaze. I free stuff, but even I jot on a page. And I unleash rage on stage. Got the whole crowd crazed. Eyes glazed, not faced from the weed that I blaze. You know my contribution is confusion and delusion with a new solution. Everybody wanna be a star, but fame. Show your tools, all those goals are aimless. Lifestyles of the rich and the tainted. Lifestyles of the rich and the tainted. Everybody wanna be a star, be famous. Show your tools, all those goals are aimless. Lifestyles of the rich and the tainted. Everybody wanna be a star, but famous. Show your tools, all those goals are aimless. Lifestyles of the rich and the tainted. C'est fou, boum, dans vos oreilles. just remember things. They just ain't always what they seem. When you're hidden in between the epitome of dream. But if you keep your head up, Hannah, for the devil's robust flare, and always keep in mind to be aware of angels unaware. Shining shoes, and when it comes to boozing, it's the families that lose. Oh, I got whiskey in my fluids just for drinking while I drive on a Sunday afternoon, hitchhiking Highway 35. But if you just remember things, they just ain't always what they seem. Hidden in between the epitome of dream. If you keep your head up, Hadley, for the devil's robust flare, always keep in mind to be aware. Just like alcoholics drink, he lost the keys for his ignition. They left him with the kitchen sink, and he got, bless her soul, down there in that 6 foot hole. And as vindictive demons always will, he didn't show up on. Remember things, they just ain't always what they seem. When you're hidden in between the epitome of dream. But if you keep your head up, NASA, for the devil's robust flare, and always keep in mind to be aware. Angels unaware, lucky guy, lucky girl, in a perfect life, perfect world. I wonder how I'm blessed this life, and I'd love to discuss girls and guys, teens and tots, and Valentines. Forget me not, the sands of time. Men and women all around, you gotta teach these kids to hear the sound. The beat, it starts deep in one's heart. You know the world is round, the world is smart. You know the world is harsh, the world is cruel. And we must protect the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. You know the one with all the gold makes all the rules. You know the one with all the gold makes all the rules. La formation canadienne Long Story avec la pièce Angels Unaware, précédée de Rich and the Tainted, ici dans le poste d'écoute Assez Fou 89 FM. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Longstory.ca, c'est leur site web. Je suis en train de chercher leur MySpace. Il a l'air assez difficile à trouver, en tout cas dans le court laps de temps que j'avais à la fin de la pièce. Mais tout ça pour dire qu'on va passer à un autre groupe canadien. En fait, c'est Penn Puutanen et Laurie Matheson. Laurie Matheson, qui est un producteur, un auteur, compositeur, interprète, et puis Penn Puutanen, qui a 7 ans, il vient de Calgary. On va entendre une première pièce qui s'appelle Autobots, et puis on en parle après. On va parler des deux groupes en même temps. Tout de suite dans le poste d'écoute, au 89 FM, à la Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah. Très très bizarre. Penn Puttanen et Laurie Madison avec Sometimes, précédé de Sharky et de Autobots de leur album Rebels United. En fait, c'est un maxi de 4 pièces. Et là, vous êtes très intrigués, vous demandez, mais qu'est-ce que c'était cette voix d'enfant sur l'album? C'est que quand il a commencé à produire, le vétéran auteur-compositeur-interprète Laurie Madison savait qu'il avait l'opportunité de donner un peu de son expérience musicale vaste à une nouvelle génération d'artistes en pleine maturité, en plein début de maturité, si on veut. Donc, son dernier protégé après Shane Ghostkeeper, Jay Crocker et The Band Spoon Ensemble, c'est Penn Puttanen qui a 7 ans, un garçon de Calgary qui aime les films de George Lucas et qui aime les blocs de construction danois, aussi connus sous le nom de Lego. C'est dit dans leur biographie qu'ils sont certainement des esprits connectés. Ce maxi de 4 pièces contient une variété de sujets, de Autobots à The Rebels, à Sharky et à Sometimes. Le prochain grand projet de Laurie Madison, qui est un homme en passant Laurie Madison, son prochain album, ça va être son troisième solo, le supposément très anticipé In Vain, qui sera disponible au printemps de cette année, donc ça devrait venir très très bientôt. Si vous voulez plus d'informations, c'est lauriemadison.com ou myspace.com/lauriemadison. Il y a aussi un MySpace pour l'album Rebels United avec Penn Puttanen. C'est le myspace.com/RebelsUnitedPennLaurie. Tout ça se retrouve sur le unechance.com, évidemment, parce que c'est beaucoup à retenir, tout ça est très compliqué à écrire. Donc www.unechance.com, c'est le site pour aller trouver tous les liens de tous les artistes d'aujourd'hui et de toutes les émissions du poste d'écoute. Et c'est aussi l'endroit pour télécharger le MP3 de l'émission ou la balado diffusion. Voilà pour Penn Puttanen et Laurie Madison. On passe à un autre album d'un groupe canadien. Celui-là s'appelle Pork Belly. J'aime beaucoup leur logo avec une belle petite queue de cochon au haut de Pork Belly. Et puis sur la couverture, on retrouve un cochon en train de se boucher les oreilles devant des grosses colonnes de son. Leur album s'appelle Futures et on s'en va entendre la pièce Sweet Daddy. Hey Sweet Daddy, joue-moi de la musique Sweet Daddy dans le poste d'écoute au 89 FM. Who's your daddy now? They call me Mr. Irresistible. When I step into the ring, I'm a force that's purely physical, a truly awesome thing. I take off my satin gown, I give the folks a flex. The ladies look me up and down at my trapezius and pecs. Sweet daddy, sweet daddy, give you a real sweet fight. Sweet daddy, sweet daddy, I'd be a big bout tonight. You know I used to be a nasty man, but now I fight for good. I believe it's God Almighty's plan that I do as I should. I'm righteous and invincible. Invincible. The opposition quakes. They call me Mr. Irresistible. I got what it takes. You want it, sweet daddy? Sweet daddy. I'm a hero to the young and old. A hole. There's only one Niagara and only one way it falls. There's only one professional wrestler who holds the world in thrall. No, only one man has it all. The one man that they call Mr. Irresistible. Sweet Daddy. Sweet loving baby, I do more than that. You know I think that it's incredible that I actually exist. They call me Mr. Irresistible, so baby, how could you resist? Sweet daddy, sweet daddy. Yeah, I'm a hero to the young and old. Sweet daddy, sweet daddy. Gonna put you in a sleeper hole. Sweet daddy, daddy. A perfect hair and a perfect skin. Sweet daddy, sweet daddy. Whoa, whoa, watch out for my aeroplane to spin. Sweet daddy, sweet daddy. Give you a real sweet vibe. Sweet daddy, sweet daddy. I'll be out. C'est fou, fou, dans vos oreilles. Wonder pulled me down and under, claiming the things I knew for my own. Rules left unspoken, gone and left us broken. Summer madness, moving on the water, is cast on the shoreline. Oh, it roots and it grows. Desolation's daughter drained a cup of sadness. Drop down, baby, claim your throne. Ah, j'aime ça quand vous m'appelez en studio, quand vous écoutez à la radio pour me dire que c'est mauvais puis que c'est beaucoup trop country. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est Pork Belly avec l'album Futures. On va donc laisser faire pour ça. La pièce s'appelait I Down Honey. C'était précédé de Sweet Daddy. Si vous voulez les informations nécessaires sur l'artiste, c'est sur lunechance.com. Maintenant, voici la formation alternative. So fair, fuckers. Team Fight. There's folly in the pork fat. Pause d'écoute. The devil needs a doormat. 89. Non. Je pense à réussir. And quiet as he keeps it, he'd rather sow than reap it, when history's a secret full of hurt. So they very skillfully made you and me hate. Hate. Hate. Hate. Hey, out in a whole lot of hell. Oh. And it folds over and over and over and over and over and over and over and over it folds. There's a manual full of sin, says it grows trees, but it don't grow trees, no it don't. It grows roots, it grows roots, it grows roots, it grows roots, it grows roots. The roots we hate, the roots we hate, the roots we hate, those roots. You can't hate. La formation Team Fight avec leur album Fair Ain't Fair et la pièce Roots of a Tree Trouble dans le poste d'écoute. On a dévié du plan, donc on va déjà terminer la première heure là-dessus. On écoutera d'autres pièces dans la... En fait, on va terminer la deuxième, on va commencer la troisième tantôt. Puis, ben, j'en parlerai tantôt de Team Fight. Hein. Je vous rappelle le nom de ceux qui n'étaient pas bons avant. Pork Belly avec Futures, si ça vous intéresse. Unechance.com. Vous écoutez le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et vous... Je vous connais pas, mais je vous aime quand même. Troisième et dernière heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et dans cette troisième heure, il va y avoir une grande variété musicale, comme on aime le dire, parce qu'on a reçu des caisses de CD pendant la semaine. Et c'est notre émission de vous les faire entendre et par le fait même de les entendre pour la première fois, donc en même temps que vous. N'est-ce pas un beau slogan et une belle mission? Et on a terminé la deuxième heure avec l'artiste et le groupe Team Fight. Leur album s'appelle Fair Ain't Fair. On a écouté la pièce Roots of a Tree Trouble. Maintenant, voici The Barber Big Mistake, si je comprends bien comment c'est écrit sur la pochette, qui est d'ailleurs très, très belle, très enfantine. J'aime beaucoup de... Tu sais, il y a du pastel, il y a du rose, du jaune, du orange, un dessin d'enfant avec un, je crois, un loup ou un crocodile peut-être. Ouais, plus un crocodile avec une langue, puis de la pluie qu'ils ont dans la bouche. Donc, ils boivent de la pluie. Tu sais, c'est beau. Puis à l'intérieur, ben, il est en train de se noyer, je pense. Fait que c'est à peu près ça. Ouais, c'est Team Fight dans le poste d'écoute. C'est une fight. Le poste d'écoute, c'est une fight. Team Fight, c'est une fight. Between a hammer and a holiday, holiday. I take the hammer each and every time. You just can't wait to waste us all away, all away. Why you say face, I'll be shaving mine. In a light, in a sound, in a light. I seen rapids, I seen rubble. Y'all ran trouble. A whole lot of trouble. I have punishment fit the crime. But if the crime is the punishment, where will you wind? You wake up and wonder where the summer went. Because it's cold up the river. It's cold up the river. It's cold up the river. It's cold, it's cold, it's cold. plans for your happiness. A first-hand taste of average. You better hold time. Got your shit broke. You better hold time. Got your shit broke. You better hold. You better hold. You better hold. You better hold. You better hold. You better hold. You better hold. You better hold. You're in a lot of trouble. Who puts the green in the grass, the cream in the calf, the clean in the bath? Who puts the dyes in the dust, the lies in the lust, who put the flies in the fuzz? There's a man in the larder. He's a barber. He's got a pallor like powder and water. He's hoping he'll introduce himself to your daughter. He's making water. He's making water. Himself to your daughter. He's making water. Don't drink the water. Tim Fight avec la pièce de Barber de l'album Fair Ain't Fair. C'était précédé de Trouble et de Roots of Nature. Tim Fight qui fait dans l'alternative country hip-hop, selon lui-même. Il va être en spectacle le 6 juin à 20h au studio JPR de Montréal. 6 juin à 20h. Tim Fight est dans le band avec Dr. Leisure et les Bloody Noise Boys. Il y a aussi l'homme avec les jambes qui piquent, qui est apparemment dans le band. C'est ce qu'il dit sur le MySpace. Allez voir le MySpace. Allez voir le timfight.com. Ça va être plus simple pour tout le monde. T-I-M-F-I-T-E.com. Il y a un lien vers le MySpace là-dessus, comme pendant tous les artistes. On s'en va entendre une autre formation canadienne qui s'appelle Islands. Leur album s'appelle Arms Way. Et tout de suite, voici The Arm. Juste après, Geneviève Beaulieu-Veilleux va venir nous rejoindre pour sa chronique Je Découvre. Restez avec nous au poste d'écoute. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous à C'est Fou 89.fr. sleep against the sound of warning cries that you don't hear. We'll be right back. La formation, j'ai dit vraiment la formation, hein. Moi, je me dis ah, partout ces temps-ci, je sais pas ce que j'ai. À la formation montréalaise Islands avec la pièce Pieces of You, précédée de The Arm, de leur album Arms Way, dans le poste d'écoute. Très, très bon, ce Islands. Donc, c'est un groupe de Montréal, comme je le disais. Donc, ils sont en spectacle un petit peu partout. Entre autres, ils s'en vont en Alabama aujourd'hui, le premier. C'était hier, le 1er mai, mais bon. Ils vont être à New York, à Philadelphie, dans le Massachusetts, en Ontario. Prochaine date, c'est au Québec, c'est le 28 mai à 20h au National. C'est la seule date même que je vois au Québec présentement sur leur MySpace au myspace.com/islands ou encore islandsareforever.com. Très, très bon groupe, Islands. Leur album, c'est Arms Way. Maintenant, ben comme on a l'habitude de le faire chaque semaine, je reçois Geneviève Beaulieu-Veilleux pour sa chronique Je découvre. Oui, tout à fait. Bonjour. Une Geneviève pas aussi top shape que d'habitude, par contre, aujourd'hui. Là. Pas tellement en forme, hein? Pauvre toi. C'est dur. La grippe, là, pendant le printemps, c'est atroce. Le tard, il me semble, comparé aux autres, non? Quand même, hein? Ouais. Mais faut savoir, petite parenthèse, je suis toujours en retard. Donc, même dans la maladie, il faut le faire. OK. Donc, c'est ça. Bon vendredi quand même. Toi aussi. Merci. Bon rétablissement, comme on dit. Oui. Aujourd'hui, à la chronique Je découvre, je vous introduis au groupe hip-hop Lyrics Born. C'est un band originaire de Berkeley, en Californie. Il est formé de Lyrics Born lui-même. Son vrai nom, c'est Tom Shimura, mais il a changé son nom pour Asia Born et finalement atterri avec le merveilleux nom de Lyrics Born. Il est aussi formé des musiciens et chanteurs Latif, Blackalicious, DJ Shadow et Jojo Velarde, qui en sont les membres permanents. Par contre, le groupe fait bien souvent des collaborations avec d'autres artistes. Ils sont sur la scène musicale depuis maintenant une dizaine d'années déjà. Ils ont 4 albums à leur actif. Donc, c'est pas des jeunes recrues, là. Elles ont parcouru l'Amérique du Nord, du Sud, l'Europe et l'Asie grâce à leur musique. En 2005, ils ont même ouvert un magasin au nom de Lyrics Born, où l'on peut retrouver non seulement leurs albums, les albums du groupe, mais aussi des objets dérivés à leur effigie. C'est une bonne idée, de sortir un magasin avec tes propres produits pour les vendre. Ben, pas pire! Tactique puis ils savaient pas au début si ça allait marcher et tout. Et en 2006, l'année suivante, donc, ils ont signé un contrat avec des marques populaires comme Puma, Adidas et Diesel, entre autres. Ouh. Donc, leur affaire a marché, je crois bien. Maintenant, en ce qui concerne le disque, leur dernier disque, il est intitulé « Everywhere at Once ». Cette semaine, il s'agit d'un verdict positif. je trouve que le style de Lyrics Born sur le CD est très rafraîchissant. Puis réellement, là, c'est super agréable à écouter. On retrouve des influences soul, reggae et blues en plus du fond hip-hop. Donc, c'est le style est classé hip-hop à la base, mais il y a plusieurs influences qui viennent, moi je trouve, ajouter au résultat. Ça crée un mélange qui est super mélodieux. Ça se prête bien à l'écoute en voiture ou lors d'un party. Donc, c'est assez festif. Tu vas pas aller déprimer sur le dernier disque de Lyrics Born. C'est un disque super dynamisant aussi, j'ai trouvé. Le groupe s'amuse beaucoup avec les mélanges de voix. Donc, on retrouve des voix plus graves, des voix masculines, des voix plus aiguës. Donc, ça fait un mélange intéressant. Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec le registre plus R&B des chanteuses qui font des chœurs dans certaines des chansons. Ça vient apporter un petit côté, comment dire, pas rétro, mais on voit l'espèce de petit chœur. En tout cas, j'aime bien ça, je vous ferai entendre tantôt. moi aussi, si ça avait ressemblé un peu aux préjugés qu'on a concernant les albums hip-hop, j'aurais pas aimé ça. C'est-à-dire, si ça avait été un flow de paroles avec un fond de beat en arrière, là, j'aurais pas accroché. Mais Lyrics Born, leur dernier album, c'est pas ça du tout. Y a vraiment du rythme, il y a des arrangements électroniques, mais on laisse la place aux vrais instruments. C'est ce qui est intéressant, il y a vraiment des instruments live qui ont un son très authentique. Puis, bien sûr, on mise sur la voix des chanteurs. Ça, c'est quand même assez rare dans le style hip-hop. Parce que oui, Lyrics Born, c'est bel et bien un groupe hip-hop, mais qui possède une voix. Puis une voix que j'ai vraiment appréciée lors de l'écoute du CD. Donc, c'est un résultat très réussi, selon moi, pour l'album Everywhere at Once. Petit détail comme ça, il est bien de savoir qu'on retrouve un total impressionnant de 18 titres sur le dernier album du groupe. Quand même, oui. Quand même, parce que c'est un bon investissement d'un côté. Puis, il y a quand même de la variété. C'est intéressant de le souligner. On se laisse maintenant sur trois pièces de Everywhere at Once de Lyrics Born. On va entendre au début Don't Change, suivi de Differences et ensuite Top Shelf. Espérons-le qu'ils vont être dans l'ordre. Aussi. Quand même, ouais. Je vais les faire jouer comme fou. C'est un coup de deuil avec ton si ben jamais. Oui, c'est ça. On découvre le nouveau CD de Lyrics Born avec Geneviève Beaulieu. Veilleux tout de suite. Oui, dans le poste d'écoute. Don't change the way you do things. Don't change the way you do it, baby. Don't change your walk. Don't change the way you talk. Don't change the way you do your thing. Don't change the way you are, baby. Don't change your face. Don't change the way you scrape. Don't change the way you do your thing. Don't change it to what you think, baby. I heard him say I wouldn't amount to much. I heard him say I couldn't cut it and my album sucked, 'cause I was too experimental, played around too much, just because I wasn't doing all the average stuff. But now my people's always knew that I was bound to bust, and when they see me on the streets, give me pounds and hugs, 'cause I stuck to my guns, I'm about the fun. I can't help myself, that's the sound I love. They're one by one, I tore down the clubs, and when I stepped on stage, the whole house erupted. Slapped so hard, I should've won the Stanley Cup. See, I like to drink a little, talk loud and stuff, because I'm outspoken, that's just the town I'm from. I got a hell of a pair of jeans, I ain't counted up, and these gators set me back a couple thousand bucks. But you know, that's what it is, baby, that's what's up. Hey! Don't change the way you do things. Don't do it. Don't change the way you do it, baby. Nah. Don't change your walk. Don't change the way you talk. Not for don't nobody, change man. The way you do your thing. Don't change the way you are, baby. Whoa. Don't change your face. Don't change the way you scrape. Hey. Don't change the way you do your thing. Don't change the way you think. I had big dreams, but I always lacked the wealth. It just took a little bit to get them off the ground. Along the way, cast off a million ounce of help. I could have been all in, talking pounds and nothing. Now 10 years, been over $1,000. Shit, that's less than McDonald's, bro. If you stretch that out, it don't amount to much. And that's just math. Come on, baby, add it up. It's not bad for a kid to flunk algebra. But ain't nothing wrong with my numbers now, you duck. Because I always knew how I felt about myself. I learned early on, this ain't for powder puffs. That's the thing, man. If you got talent, son, you gon' always have haters that doubt you, bro. It's on you to show them they was out to touch, and that they should've messed with you, they was out to lunch. Come on. Don't change the way you do things. Hell no. Don't change the way you do, baby. Don't change your walk. Don't change the way you talk. Hey. Don't change the way you do your thing. Don't change the way you are. Come on. Don't change your face. Don't change the way you scrape. Hey. Don't change the way you do your thing. Don't change it to what you think. Hey. Yes, indeed, ladies and gentlemen. Welcome to the show tonight. By special engagement, we are proud to present to y'all. Frustrated. frustrated. Maybe the prospect of us breaking up may have crossed your mind. Now, wait a minute, I'm just as flustered as you was. I'm done complaining, baby. Now the way that I see it's just two ways up. Break bread or break up. But I don't want that, you don't want that neither. So now where does that leave us? I ain't trying to play tough, I'm just trying to go deeper, deeper, deeper. We a whole different species completely. To me, see, that's the real reason why we've been disagreeing. It's just different, we do shit different. Our moods is different, it's true. For instance, if something ain't right, I'm not saying I'm a hobbit, but just as a man, I ain't about to start crying. But don't take that like I'm not interested. Just take that to me that we got differences. Closet under the best friend. Thousands of outfits, shit thrown everywhere. Jackets and blouses, wigs, pumps, underwear. Even the dude is hella into himself. He can get dressed quick and make decisions himself. But she won't show opinion, which I don't mind doing. But don't be too honest or your relationship's ruined. Do you like that one? Do you like this one? Say you like them all, man. Shit's a trick question. Maybe they all look great, just different. I say whatever's gonna get me out the house quicker. She can tell I'm frustrated. That's when I hear her say, warm up the Mercedes, I'll be down in a hurry, right? I'm at the curb waiting, and she come a year later in the same damn bitch she had on in the first place. Ooh, girl, there ain't no doubt about it. Serious. It's just certain areas we need to work on to make it go. Period. I know I get mad, times I get furious. I admit that, hey, I'm very aware of this. I'm the first to admit that I'm hella competitive. I wanna turn everything into some sports center shit. You got a temper too, girl, you're hella stubborn. Argue in public about absolutely nothing. So your man catch a passing glance of some ass. I don't mean your man is out to smash. I'm a dude, it's not an excuse, it's just true. I've always been, always will be there for you. When the shoe is on the other foot and you catch looks, I ain't mad at the fact that my woman's attractive. How about it? I say we make a pact that from here on out, we help each other get past that. For the simple fact that I'm a boss on the track and you really ain't touching me. Just for the way that I rock with the bass and the knock, and that's why you all loving me. Drop off shelves. Anything you want, girl. but she gonna end up finding on her feet. Cause she don't depend on no gentleman to lend her a cent, a hand on the fender. She's independent, got her own plans, her own legal tender. Only wants to enter into a relationship with a stand-up guy she can depend on. And she'll never give up, let up or surrender. I love the way you make me feel pleasure. I love the way it is and it's getting better. I love the way you put your outfit together. I love the way you are down to the letter. I love the way you make me feel pleasure. I love the way it is and it's getting better. Le soleil est pas mal rentré dans le studio, hein, Mathieu? Oh oui, qui fait chaud! Hey, c'est beau, ça! Ça s'écoute bien, on aime ça! Tellement! C'est Lyrics Born et l'album Everywhere at Once. On vient d'entendre Top Shelf, comme souligné à répétition dans le refrain. Ben oui, c'est comme ça. Avant ça, c'était donc les pièces Differences et Don't Change. Ben oui, exactement. Lyrics Born! Ouais, pas mal bon. C'était le jeu découvre de cette semaine avec Geneviève Beaulieu-Veilleux. Ouais. Passe une belle semaine. Mais toi aussi, mon cher, je te reviens top shape, je l'espère, la semaine prochaine. Je répète mon prompt rétablissement. J'espère que ta grippe tardive va disparaître bientôt. Et moi donc. Pauvre chouette. Bye-bye. Bye. On passe à un groupe alternatif qui s'appelle Opopo. Leur CD s'appelle Opopo aussi. Et voici la pièce Clock Stop dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Restez là parce que plus tard, on va entendre du Phantom Planet Raise the Dead. Je sais que ça veut rien dire pour vous autres parce que vous connaissez pas ça. Fait que je peux pas vous dire, restez là pour ça parce que vous en foutez complètement. Clock stops work. c'est fou, fou. La seule radio musicale, locale, depuis 10 ans, 10 ans, 10 ans. 89.1. La formation canadienne Opopo avec Blast Blast, c'était précédé de Dector et de Clock Stop. Opopo qui est un groupe de disco house punk de Toronto en Ontario. Leur site web myspace.com/OpopoTunes au pluriel, O-P-O-P-O Tunes. Ou encore, en fait, non, c'est pas mal la seule adresse. Ça y va comme ça y va. Leur EP est en magasin depuis le 6 mai, non, à partir du 6 mai. Et puis, il y a à peine 7 pièces là-dessus. C'est bien dommage. Moi, j'ai beaucoup aimé Opopo. Encore une fois, myspace.com/OpopoTunes. Il nous reste juste assez de temps pour aller entendre le nouvel album de Phantom Planet qui s'appelle Raise the Dead. On va aller écouter la pièce titre et juste après, eh bien, on entendra la pièce Dropped. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. 89.fr. Go on and pull yourself up. We climb, we climb, we climb, we climb down there. They get you down there again and again. Forever and ever. Tonight, tonight. La formation Phantom Planet avec une pièce qui s'appelle Raise the Dead. C'est la pièce titre de leur nouvel album. C'est un groupe de rock alternatif pop de Los Angeles en Californie. Très bon ça, Phantom Planet. Oui, j'aime beaucoup. myspace.com/phantomplanet ou encore youtube.com/phantom36. Les membres sont Alex Greenwald, Sam Farrar, Darren Robinson et Jeff Conrad. Ils vont être en spectacle 13 mai à 20h au Metropolis de Montréal. 13 mai à 20h. Phantom Planet, très intéressant. Pochette remplie de rubans duct tape. Un gars qui est duct tapé au mur avec son micro. Très, très joli. On va se quitter avec une deuxième pièce de leur part. Elle s'appelle Dropped. Dans à peine quelques instants, le temps de vous rappeler qu'on a une très très grosse émission cette semaine avec 20 minutes de plus pour tout l'été, 20 minutes de contenu musical de plus. Ici dans le poste d'écoute, on a entendu de très bonnes choses, dont Shane Phillip avec Earthshake, Tokyo Police Club avec Elephant Shell, j'ai bien aimé Be Your Own Pet avec Get Awkward, François-Olivier Marchand nous a fait découvrir Millen Collin avec Machine 15, Geneviève Boulieu-Veilleux a parlé de Lyrics Born avec Everywhere at Once, moi je vous ai fait découvrir Flight of the Conchords, le groupe humoristique de Nouvelle-Zélande, et c'est d'ailleurs eux, évidemment, vu que c'est moi l'animateur d'émission, ben c'est eux que je couronne. Poste d'or, ça c'est l'album à écouter cette semaine, Flight of the Conchords avec leur album éponyme. Et aussi le temps de vous rappeler que nous sommes dans une nouvelle case horaire pour l'été. En fait, notre diffusion originale en direct est toujours le vendredi à 10h, mais maintenant on est en rappel le samedi à 13h et le lundi à 17h, donc on se retrouve là. Je vous retrouve aussi à la connexion et dans les palmarès, c'est fou, de la part de toute l'équipe du poste d'écoute. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance! Take it easy, tell me, 'cause I'd like to know. You're never gonna go.